Dans les temps difficiles, Seigneur, tu m'as éprouvé. Je me suis tournée vers toi et j'ai crié. Seigneur, examine-moi et sonde mon cœur. J'ai besoin de toi, exauce-moi. Le jour où j'ai appelé et où tu m'as répondu, tu m'as redonné courage et tu m'as rempli de force. Psaume 138, 3. Chantons à Jésus notre louange. Sauveur, c'est le nom.